champ, je prends position. De la nouvelle génération, je rentre en action. Sortie du fin fond des bas fonds. Bouffe ça, bouffe fond. Je prends position. Je prends position. D'un nouveau style. D'un nouveau son. À l'enfer. Mets la pression. Je reviens à voix sur cette version. Enfilé, il prend le son. D'une certaine façon, garçon. Sauf du pas, t'as pas de question. En vérité, nous on la pose. Si je rase, c'est pour une cause. M'exprimer ou ça explose. Prends le temps de faire les choses. Et non pas taper des poses. Je te propose d'aller plus loin. De te construire le droit chemin. Pas vers le mal, mais vers le bien. Tu trouveras tous les moyens. De t'en sortir dans cette vie, tiens. Artifice, sacrifice, vice de vie, complice des jeunes de cité, incité à la violence, excité à la délinquance, et en cas tragique, c'est ensemble qu'on la strikera. Artifice, sacrifice, vice de vie, complice des jeunes de cité, incité à la violence, excité à la délinquance, et en cas tragique, c'est ensemble qu'on la strikera. On débarque, ouvre le bal, pas besoin de balle pour les balles règles. On crève la dalle, jette des dalles sur les keufs qui jouent les deg. On flingue le beat et les suspects, ceux qui disent là où j'habite. On fait du rap qui incite, mais on fait réciter nos putains de vie illicites. Et s'ils ont fermé la cité, c'est que c'était territoire occupé par les excités réorganisés. Des sous-sols jusque dans les halls, en esquivant la tôle. Al-Mafia 2007, vendeur de IA, ex-agresseur pour investir la plaquette. Y'a du choix de la variette, ça livre jusqu'aux boîtes aux lettres. Au gramme près sur la pesette. Ouais, dans leur tête, y'a pas 36 000 recettes pour faire rentrer les pépettes. Solution facile et deal, ou d'être les 9 mm pour braquer une supérette. Soyez sérieux, les gars, y'a que comme ça qu'on s'en sortira. Dans cette vie de rap, personne ne t'apprendra que c'est ton cul pas, on t'enculera. Soit t'es la proie ou la bête vous rase qui vit sur la loi. Tous nos gars de quartier de cité, câblés, serrés, aimeraient bien se serrer. La pétasse idéale, la caillasse impériale, hélas, c'est pas atteint. C'est pour ça qu'il faut qu'on trace notre route sans qu'on trépasse pour sortir de Bérou. Quartier défavorisé, où t'avances avec une roue crevée. Si je dois crever, c'est mon métrope, c'est pour ça que j'éctep. On essaie de sortir du trou, pas comme ces balochards de stars qui sèment le trou. En tapant dans la coco et le caviar, et mon coco, je répartis de ces lascars qui cherchent à descendre ces bâtards. Qui cherchent à descendre ces bâtards, cherchent à descendre ces bâtards. Sacrifice, vice de vie, complice des jeunes de cité, incité à la violence, excité à la délinquance, et en cas tragique, c'est ensemble qu'on la strikera. Sacrifice, vice de vie, complice des jeunes de cité, incité à la violence, excité à la délinquance, et en cas tragique, c'est ensemble qu'on la strikera. On rêve de la victoire ou Mani, mes esprits nous baissent, les temps la baissent, avec 9G1, mafia pour le pèse, association malfrat. La rue pas que si tu lui tournes le dos. Rêve de pute et de braco, anti Le Pen et Sarko. Lève ton joint pour les frères derrière et les barreaux. Moral à zéro, YAZ2O, balance ton yo-yo. Alma détail, semi-détail est gros. Sont violents pour les barjots. Chez nous c'est l'embargo. Rêve de paquebot, de shit et d'armes. 59 j'ai la cagoule pour le haram. Sur terrain c'est la guerre, jusqu'à pendre sa dame. On baisse l'Amérique et bouge, rien qu'un pouce dans la bouche. Une rafale et on les couche, on prend la France, on part tous. Laisse place aux douze coups, les couches couplées qui te coupent le souffle. Du réalité. Des rêves qu'on veut réaliser, même si ça doit traumatiser. Prends les risques, le frais. Un son violent du trou au QG. Un mafia 5-9G, c'est des balles qu'on vient cracher. Tu sais, à la naissance, on choisit pas sa couleur. On choisit pas son nom, on choisit pas son odeur. On choisit pas les problèmes qu'on aura sur le dos. Adulte ou ado, tête de mule, tête de taureau, des tarés. J'en connais un bon lot qui aimerait s'envoler, s'emballer ni vélo. Après les avoir payés, saignés, sans épargner la volaille. Ces bâtards n'ont plus de respect. Fracatacata, c'est pour ça que ça dé- Ma vie chaque jour elle crie, aïe à croire qu'elle doit rachar sur de la paille. Ma langue, mon arme fatale, elle tire, tire sur les hypocrites, les crapules et les femmes fatales. Et les femmes fatales, les femmes fatales. Artifice, sacrifice, vice de vie, complice des jeunes de cité, incité à la violence, excité.